أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Louange à Allah qui nous a permis d'être là encore aujourd'hui afin d'aborder encore une fois ce sujet qui nous anime. La série des califes bien guidés au califat du Mahdi est une série, comme vous l'avez compris, dans laquelle nous tirons des leçons. Dans laquelle nous tirons des leçons de l'histoire. Afin que nous puissions comprendre et entrevoir les événements que nous vivons, ainsi que ceux qui viendront. Ainsi, dans les épisodes qui sont passés, nous avions abordé la gouvernance de Abu Bakr. Et comment le califat l'a implanté. Ensuite, nous avions vu la bravoure de Omar et comment il s'est imposé. Que par sa justice et sa bravoure, tous les compagnons il a surpassé. Omar était la porte à la fitna, porte qui devait se briser. De là, prêtez bien l'oreille aux événements qui ne tardèrent d'arriver. Au moment où Omar ibn Khattab radiallahu anhu venait d'être blessé, il se préoccupa aussitôt de la chose publique et du sort de l'empire musulman. De là, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, en train de mourir, fit appeler 6 illustres parmi les compagnons, qui n'étaient autres que Ali ibn Abi Talib, Othman ibn Affan, عبد الرحمن بن عوف زبير بن عوام سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم. Il leur parla ainsi et leur dit: c'est à l'un de vous que le pouvoir doit appartenir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était satisfait de vous au moment de sa mort. Faites rechercher Talha pendant 3 jours. Il a été rapporté dans certaines versions que Talha était introuvable. S'il ne peut être trouvé le 4e jour, alors choisissez l'un de vous 5. Ils répondirent: ô émir des croyants, ce sera une affaire impossible. Désigne toi-même une personne comme calife, comme tu as été désigné toi-même par Abu Bakr. Omar ibn Khattab leur répliqua: qui nommerais-je? Si Ubaydullah ibn Jarrah vivait encore, je le nommerais. Je l'aurais nommé. Car j'ai entendu dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Abu Ubaida est un homme loyal. Et si Salim était encore vivant, je le nommerais. Car j'ai entendu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Salim est un homme qui aime Allah et qui en est aimé. L'un des 5 dit alors: ya Emir al-Mu'minin, nomme ton fils Abdallah. Omar l'apostropha en ces termes en disant: qu'Allah te fasse périr. Par Allah, ce que tu viens de dire, tu ne l'as dit ni en vue d'Allah, ni dans l'intérêt des musulmans. Comment puis-je donner le califat à un homme qui n'ose même pas répudier sa femme? Subhanallah. Comme vous, les six personnes que j'ai désignées comme membres du conseil, qui devait nommer l'un d'entre vous? Ils répliquèrent: ô émir des croyants, il faut que Sa'd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl soit compris. Sa'd était de la tribu de Beni Adi et donc de la parenté de Omar. Omar leur dit encore non, non, il suffit qu'un seul des Beni Adi aille devant Allah rendre compte de l'exercice du pouvoir. Je fais une parenthèse ici afin qu'on voit et qu'on comprenne comment Omar ibn Khattab avait compris l'importance et la gravité en même temps du pouvoir. Car celui qui détient ce pouvoir-là aura à rendre des comptes sur ses administrés. Et Omar ibn Khattab craignait cela. Il continue en disant « Vous pensez que j'ai fait le bien et évité le mal et que je paraîtrai devant Allah subhanahu wa ta'ala sans crainte. Cependant, je ne suis pas rassuré sur mes actions. Et si je me trouve sans péché, j'aurais été un homme fortuné. Maintenant, si je me désignais un successeur, j'agirais comme celui qui a été avant moi et malheur et meilleur que moi. Et si je n'en désigne pas, je fais comme le meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vous que j'en charge. Nommez l'un d'entre vous car vous êtes ce que je vais vous dire. Ali et Othman sont la famille de Abdi Manaf. L'un par Hisham, l'autre par Umayya. Abdurrahman ibn Aouf et Sa'd ibn Abi Waqas sont de la famille de Zuhra et oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zubayr ibn Awam est le cousin du prophète alayhi salatu wa sallam. Il est fils de Safiya, fils de Abdel Muttalib. Quant à Talha ibn Ubaidullah, il est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Talha, l'homme de bien. Je ne connais pas sur la terre d'homme plus digne que vous. Délibérez donc et agissez dans l'intérêt des musulmans. Évitez la discorde et cherchez l'union afin que la paix soit dans le peuple. Ne dépassez pas la limite de 3 jours pour prendre une décision. Ali, si votre choix tombe sur lui, il dit, si votre choix tombe sur Ali, c'est un homme d'un bon caractère qui guidera le peuple dans la voie de la justice. S'il s'agit de Othman, alors c'est lui que... Alors Othman est un homme doux, réservé et de mœurs pures. Sa'd sera digne du pouvoir si vous le lui donnez. Et si vous nommez un autre que lui, recommandez à cet élu de consulter Sa'd en toute affaire. Car, quel qu'il soit, les conseils de Sa'd lui seront nécessaires. Si j'ai enlevé à Sa'd, le gouvernement de Koufa, ce n'est pas pour cause de déloyauté. Effectivement, lors du califat de Omar, il avait destitué Sa'd ibn Abi Waqqas. Il continue en disant, si vous nommez Abdurrahman ibn Aouf, sachez qu'il n'y a pas d'homme plus vertueux que lui, ni plus sage, et quiconque exercera le pouvoir ne pourra se dispenser d'avoir recours au conseil de Abdurrahman. Enfin, j'ai l'espoir que Talha ne s'opposera pas à ce que vous aurez décidé. Sa'd dit alors, quant à Talha, je me porte garant de son acquiescement. Après avoir dit tout cela, Omar ibn Khattab fit appeler Talha al-Ansari et lui dit, je te charge de garder ces hommes avec 5 Ansar. Ça veut dire qu'après avoir choisi les 6 que nous venons de citer, Omar ibn Khattab ordonna une garde les concernant. Quand on m'aura enterré, tu les feras réunir dans la maison de Aïcha. Dans la partie où est le trésor public. Et lorsqu'ils seront réunis, tu ne laisseras personne pénétrer jusqu'à eux. Tu ne les laisseras pas délibérer plus de 3 jours. Il faut que le 4e jour, ils aient proclamé quelqu'un, car le monde ne doit pas rester plus de 3 jours sans chef, sans guide religieux, sans calife. Notez bien, subhanallah, cette parole-là, que les musulmans ne doivent pas rester plus de 3 jours sans calife. Wallahi, c'est une affaire énorme, immense. Nous n'avons pas le droit en tant que musulmans de retarder cette affaire d'avoir un seul chef, qui n'est autre que le calife des musulmans, plus de 3 jours. Il continue en disant, lorsque 5 d'entre eux seront d'accord sur un choix, et que le 6e dissident ne voudra pas se soumettre, tu le tueras. S'il y a 2 dissidents contre les 4 autres qui seraient d'accord, tu tueras les 2 dissidents. Et s'il y a 3 voix contre 3, vous proclamerez celui qui aura la voix de Abdurrahman ibn Auf. Puis Omar ibn Khattab dit à son fils, Abdullah, je te nomme membre du conseil de la Shura. Donc il désigne 6 personnes pour être calife. Et en dehors de ces 6 personnes-là, il y a des membres de la Shura, de l'assemblée de la consultation. Parmi eux, Abdullah ibn Omar. Il dit sans cependant que tu puisses prétendre au califat. Ça veut dire qu'il fait partie de l'assemblée, mais il ne peut pas réclamer le pouvoir. Ensuite, après cela, il fait appeler Miqdad ibn Aswad. Et il lui dit, je te charge en même temps que Abu Talha de surveiller les membres de la Shura. Vous les réunirez après ma mort. Et vous ne laisserez pas se prolonger les débats plus que 3 jours. Enfin, il fit appeler Suhaib. Et il lui commanda de présider la prière pendant ces 3 jours-là. Et donc, après toutes ces recommandations, comme nous l'avons vu, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, retourna vers son Seigneur en tant que martyr, comme nous le considérons. Voilà, nous zakki ala Allahi ahada, et nous devançons par Allah subhanahu wa ta'ala dans les éloges. Donc après l'enterrement de Omar ibn Khattab, Miqdad ibn Aswad convoqua donc les membres de la Shura dans la maison de Aïcha, comme Omar ibn Khattab l'avait ordonné. Et dans certaines versions, Talha ne fut pas trouvé. Et Abdullah ibn Omar faisait donc partie du conseil de la Shura. On fit venir Abu Talha al-Ansari pour garder la porte et qui ne laisse entrer personne. Miqdad, qui avec Abu Talha garda la porte, raconte ceci. Il dit, il s'est dépassé un certain temps, lorsqu'il s'éleva un grand tumulte à l'intérieur de la pièce. Je croyais qu'ils étaient tombés d'accord sur le choix de l'un d'entre eux, mais quand j'entrais, je les trouvais se disputant entre eux, chacun proclama ses titres et ses prétentions. On n'arriva à aucun accord ce jour-là, et chacun rentra chez soi. Le lendemain, ils se réunirent de nouveau et se séparèrent le soir sans avoir pris aucune décision. Le 3e jour, Miqdad, après les avoir amenés, leur dit, en affirmant donc ses paroles par un serment, « Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à un résultat, je ne vous laisserai pas rentrer chez vous. » Ici, j'aimerais souligner que cette version a été rapportée par Tabari dans Tarikh, dans son Tarikh, dans ses chroniques. Et ce qui est important de souligner, premièrement, c'est que les Sahaba radiallahu anhum étaient des hommes à part entière. Ils n'étaient pas des prophètes. Ils avaient d'illustres qualités, mais ils avaient également des défauts en tant qu'être humain. Ils ont commis des erreurs en tant qu'être humain. De là, nous devons faire attention et prendre nos précautions et avoir le bon soupçon sur eux, parce qu'ils étaient les meilleurs que cette nation ait pu porter. Et certaines versions, certaines choses qui ont été rapportées dans les livres d'histoire, notamment dans le Tarikh de Tabari, rahimahullah, certaines choses peuvent nous laisser avoir des mauvais soupçons sur les Sahaba. Et certaines versions ne sont pas authentiques. Ainsi, nous devons faire attention lorsque nous lisons certains livres d'histoire, même parmi des gens qui sont reconnus parmi les gens de science. Et donc, Al-Miqdad continue et dit que voyant que les affaires ou l'affaire traînait, Abdurrahman ibn Auf prit la parole et leur dit que l'affaire traîne et que chacun campe sur ses positions. Et il leur demanda lequel d'entre eux était prêt à se désintéresser de la question, pour que une décision puisse être prise. Personne ne répondit. Abdurrahman reprit et dit, je vais vous rendre la chose facile. Si je m'engage par serment à renoncer au pouvoir, est-ce que vous me promettrez d'accepter mon arbitrage? Ça veut dire qui se... Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu a désisté, a délaissé le pouvoir à condition que les autres acceptent de le prendre comme arbitre. Radiallahu ta'ala anhu. Chose qu'ils acceptèrent. Et donc, après que chacun ait accepté, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu prit chacun des présents dans un coin de la pièce et les appela un par un, l'un après l'autre. Il commença par Ali et lui dit, tu dis que tu es le chef de la famille de Hashim, le cousin et gendre du prophète alayhi salatu wasalam, et que tu as plus de droit au pouvoir qu'un autre. Tu as raison, c'est la vérité. Mais si tu ne l'obtenais pas, lequel des trois autres accepterais-tu? Ainsi Othman, je dis les trois autres parce que dans cette version, Talha n'avait pas été trouvé pour assister à la Shura. Et donc Ali répondit qu'il choisirait Othman. Abdurrahman le renvoya donc à sa place. Et ensuite il appela Othman et lui parla en lui disant, tu dis que tu es le doyen des Beni Abdi Manaf et le cousin et gendre du prophète alayhi salatu wasalam, et que tu as plus de droit au pouvoir qu'un autre. Mais si tu ne l'obtenais pas, lequel des trois autres accepterais-tu? Et Othman répondit Ali. Abdurrahman le renvoya donc à sa place. Il appela Zubayr et lui parla comme il a parlé aux deux autres. Zubayr déclara qu'il choisirait Othman. Et Saad, après lui, déclara qu'il choisirait Ali. De là, Abdurrahman dit que il voit qu'il s'agit de Othman et de Ali. C'est-à-dire que l'affaire se départage entre ces deux-là. Laissez-moi cette nuit pour réfléchir et demain nous proclamerons l'un d'entre eux. Et après avoir interrogé les chefs et les habitants de Médine, Abdurrahman leur dit, le débat s'étant prolongé, j'ai retiré ma candidature et j'ai amené Saad et Zubayr à faire de même. La question est donc maintenant entre Ali et Othman. Lequel des deux voulez-vous? Et la plupart des gens se déclarèrent pour Othman radiallahu anhu. Et Abdurrahman, d'ailleurs lui-même, prochait pour Othman. Et parmi les chefs que Abdurrahman avait interrogés, il y avait Abu Sufyan et Amr ibn al-As. Cette nuit-là, la troisième nuit, Abdurrahman ibn Auf alla réveiller Miswar ibn Makhrama et il a envoyé appeler Zubayr et Saad, avec qui il s'est entretenu. Puis il a envoyé Al-Miswar s'entretenir avec Ali, puis Othman, comme il a été rapporté dans le Bukhari, hadith numéro 7207. Et il dit notamment à chacun de ces deux personnages, Ali et Othman, fais serment par Allah que si tu es nommé dirigeant, tu seras juste, et si l'autre est nommé, tu obéiras. Alors à l'arrivée de la prière de l'aube, la prière de Subh, après l'avoir accompli, Abdurrahman ibn Auf a envoyé quérir tous les muhajirines et les ansars, les immigrants et les auxiliaires présents à Médine, tous les chefs des armées. Et ils étaient venus accomplir le hajj à la Mecque avec le défunt Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Et tout ce monde s'est réuni dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf, déclara alors qu'après avoir consulté les gens, il a constaté qu'il ne considère personne comme étant du même niveau que Rathmé. De là, il fit alors allégeance à Othman et les responsables qui étaient présents le firent également. Et même Ali fit allégeance, comme il était rapporté dans le Bukhari, hadith 3700. Et l'imam Ahmed rahimahullah, il dit, aucune allégeance n'aura autant fait l'unanimité que celle de Othman ibn Affan. Que celle faite à Othman ibn Affan. Les musulmans donc l'ont désigné comme leur dirigeant, après 3 jours de consultation, en étant unis avec affection. Othman ibn Affan, il se nomme Abu Amr, Othman ibn Affan ibn Abil As. Sa mère est Aoura bintou Quraiz. Et son arbre généalogique rejoint celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Abdou Manaf. Il est né dans la ville de Taif, 6 ans après l'année dite de l'éléphant. Et il a été converti à l'islam par Abu Bakr Siddiq radiallahu anhuma. Il avait alors 39 ans. Et cela s'était produit avant que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'installe dans la maison de Al-Qam. Il était de taille moyenne, son visage était beau, blanc sanguin, et sa peau était fine. Ses articulations étaient massives et ses épaules larges, le crâne dégarni, et il avait une grande barbe. Notre maître Othman, radiallahu anhu, fait partie des premiers à être entrés dans l'islam, dans cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué ces gens-là. Il les a évoqués lorsqu'il a dit dans sa parole وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ce qui signifie les premiers parmi les prédécesseurs, les premiers prédécesseurs parmi les émigrés et les Ansar et les partisans. Et ceux qui les ont suivis avec rectitude, Allah les agrée et ils ont accepté l'islam. Et Allah les agrée et il l'agrée également. En surat Tawbah au verset 100. Il fait partie des 10 hommes auxquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle qu'ils seront au paradis de leur vivant. Il les a cités les uns après les autres dans un seul hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr fil Jannah wa Omar fil Jannah wa Ali fil Jannah wa Uthman fil Jannah wa Talha fil Jannah wa Zubayr fil Jannah wa Abdurrahman ibn Awf fil Jannah wa Sa'd ibn Abi Waqqas fil Jannah wa Sa'id ibn Zayd fil Jannah wa Ubaydullah Mujarrah fil Jannah. Subhanallah. Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Ali sera au paradis, Uthman sera au paradis, Talha sera au paradis, Zubayr sera au paradis, Abdurrahman ibn Auf sera au paradis, Sa'd ibn Abi Waqqas sera au paradis, Sa'id ibn Zayd sera au paradis, et Abu Ubaida ibn Jarrah sera au paradis. Il a succédé à Omar ibn Khattab en tant que calife, la 24e année de l'Hégire, 3 nuits après l'enterrement de Omar. Durant son califat, beaucoup de pays ont été conquis. Son surnom est Dhu-Nurayn. Dhu-Nurayn, il a été surnommé ainsi, l'homme aux deux lumières, car il a épousé 2 filles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quel honneur! Il a d'abord épousé Ruqayya, qui lui a donné pour fils Abdullah. Puis après la mort de Ruqayya, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné en mariage son autre fille, Umm Khaltoum. Elle est restée son épouse jusqu'à sa mort en l'an 9 de l'Hijra. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise si j'aurais une troisième fille, yani une fille qui n'était pas mariée, je l'aurais donnée à Othman. Le digne successeur des deux premiers califes, trois nuits après l'enterrement de Omar ibn Khattab, Sayyidina Othman est devenu calife. En effet, les gens lui ont prêté serment d'allégeance afin qu'il soit la tête des musulmans. C'était une nuit de lundi du mois de Dhul-Hijjah, de l'an 23 de l'Hijra. Il a ainsi été calife à partir du mois de Muharram, de la 24e année de l'Hijra, et il est resté calife durant 12 ans. Et il utilisait le même sceau, c'est-à-dire la même signature que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de la même façon que le faisait Abu Bakr et Omar, radiallahu anhu. Le califat d'Othman fut une période faste pour les musulmans. En effet, durant cette période, ils accomplirent beaucoup d'actes. Beaucoup d'actes et de choses, notamment en ce qui concerne les conquêtes. En effet, durant le califat de Othman, radiallahu anhu, l'île de Chypre fut conquise, ainsi que l'Arménie, la Tripoli occidentale, c'est-à-dire la Libye, Kerman et Sijistan, les deux provinces de l'actuel Iran, la ville de Kaboul, ainsi que des pays d'Afrique. Parmi les gloires et les mérites qui reviennent à Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, il y a ce qui concerne le Coran. Tout le monde sait que le Coran est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est descendue à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam l'a transmis oralement et intégralement à ses compagnons qui l'ont mémorisé tel quel et qui l'ont transmis jusqu'à nos jours. Et le Coran, honoré et glorifié, restera infalsifié jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait transcrire la révélation par certains des sahaba durant son vivant. Et les versets du Coran étaient alors écrits séparément sur différents supports, tels par exemple que des peaux de bêtes ou sur certaines des pierres. Et ces différents supports n'étaient pas rassemblés. Ils étaient dispersés chez chacun des scribes qui les avaient écrits et ne formaient pas un livre comme nous pouvons l'avoir aujourd'hui. Cependant, le Coran était mémorisé par cœur par de très nombreux sahaba radiallahu anhu. Lorsque Abu Bakr prit le califat, il a ensuite rassemblé ces différents supports. Il les a fait retranscrire sur des feuillets et les a conservés, comme nous l'avons dit. Quant à Othman, il a recopié les feuillets contenant tout le Coran dans un livre et l'a diffusé. Lorsqu'il a reçu le pacte d'allégeance en tant que calife, il s'est concerté avec certains compagnons et leur avis était qu'il rassemble tout le Coran dans un seul livre. C'est alors que Othman a réuni un certain nombre de sahaba, comme l'a rapporté Abu Daoud, qui dit ils étaient 12 hommes de Quraysh et des partisans et des Ansar. Il y avait également parmi eux les scribes qui avaient retranscrit la révélation. Il a demandé aussi à ce qu'on ramène de chez Hafsa, la fille de Omar radiallahu anhu, les feuillets que Zayd ibn Thabit avait rassemblés. Et il les a retranscrits dans un seul livre. Et dans Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il écrit que Othman radiallahu anhu a dit « Qui parmi les gens écrit le mieux ?» On lui répondit « Zayd ibn Thabit ». Il leur a demandé « Qui est celui qui prononce le mieux ?» On lui a dit « Sa'id ibn al-As ». Il a dit « Alors que ce soit Sa'id qui dicte et Zayd qui écrive ». Lorsqu'ils ont fini de transcrire le mushaf, le support du Coran en un seul livre, il a ordonné à ce qu'on en fasse plusieurs copies, qu'il a envoyées aux différentes régions de l'État musulman. De là, il y a eu divergence sur le nombre de copies. Certains ont dit qu'elles étaient 4, d'autres ont dit qu'il y en avait 5, voire plus. En tout cas, Othman l'a diffusé aux 4 horizons et a ordonné aux différentes régions d'utiliser les copies envoyées du Mus'haf pour qu'ils servent de référence à tous les musulmans. Parmi les mérites de Othman, Ibn Jawzi a rapporté de Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu qu'il était en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam dans l'une des propriétés des gens de Médine. Et c'est alors qu'un homme est venu et a demandé la permission d'entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Musa: Iftah lahu wa bashirahu bil jannah, ce qui signifie ouvre-lui la porte et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. J'ai ouvert et j'ai trouvé Abu Bakr et je lui ai annoncé la bonne nouvelle du paradis. Ensuite, quelqu'un d'autre a demandé à ce qu'on lui ouvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Iftah lahu wa bashirahu bil jannah, ouvre la porte et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Et c'était Omar. Je lui ai ouvert et je lui ai annoncé la bonne nouvelle. Ensuite, un homme a demandé à ce qu'on lui ouvre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé. C'est alors qu'il s'est assis et il a dit: Iftah lahu wa bashirahu bil jannah ala balwa ala balwa tusibu ala balwa tusibu, ce qui signifie ouvre la porte et annonce-lui la bonne nouvelle du paradis et qu'il sera atteint par une épreuve. C'était Othman. Je lui ai ouvert et je lui ai annoncé la bonne nouvelle du paradis et je lui ai rapporté ce que le prophète alayhi salatu wasalam m'avait dit. C'est alors que Othman dit: c'est l'aide d'Allah que je recherche. Il s'agit là de l'épreuve suite à laquelle il a été assassiné lorsque les gens ayant semé la discorde ont assiégé sa maison à Médine. Et Al-Bukhari radiallahu anhu a rapporté dans un chapitre de son livre consacré au mérite des compagnons que la montagne de Uhud a tremblé alors qu'il y avait dessus le prophète alayhi salatu wassalam en compagnie de Abu Bakr, de Omar et de Othman radiallahu anhum. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Uskun Uhud fama alayka illa nabiyun wa siddiqun wa shahidan, ce qui signifie: apaise-toi au Uhud, il y a sur toi un prophète, un véridique et deux martyrs. Le terme siddiq, c'est-à-dire celui qui atteste, qualifie Abu Bakr. En effet, Abu Bakr était surnommé As-Siddiq, tandis que les martyrs n'étaient autres que Omar et Othman, radiallahu anhuma, qui ont tous deux été tués injustement. Et cela a également été rapporté de l'imam Muslim, Ahmed ibn Hanbal et d'autres. Al-Hafidh Abu Nu'aym al-Asfahani, dans son livre Hilyat al-Awliya, d'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, qui a dit: Othman ibn Affan a gagné le paradis deux fois auprès du messager d'Allah alayhi salatu wasalam. La première lorsqu'il a creusé le puits de Rumah, et la deuxième lorsqu'il subvenut aux besoins de l'armée qui manquait de moyens pour la bataille de Tabouk. Le puits de Rumah était un puits dont l'eau était vendue aux musulmans, mais Othman radiallahu anhu l'a acheté et l'a creusé davantage. Et il a permis aux musulmans d'y puiser de l'eau sans contrepartie, gratuitement. Et ce puits est jusqu'à aujourd'hui connu à Médine, Filmedinati al-Munawwara. Et l'auteur de Hilyatul Awliya a rapporté de Sha'bi, d'après Masruq, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui a dit: le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a vu Othman qui s'affairait pour l'armée en manque de moyens. Il faisait des allers-retours Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Ô Allah, accorde le pardon à Othman pour ce qu'il a fait et ce qu'il va faire, ce qu'il a fait au grand jour et ce qu'il a fait en cachette. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans le livre At-Tariq d'Ibn Asakir, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager qui a dit que j'ai vu le messager d'Allah alayhi salatu wasalam depuis le début de la nuit jusqu'au lever de l'aube, il avait ses mains levées et il faisait des invocations pour Othman en disant: Allahumma Othman raditu anhu farad anhu. C'est-à-dire: Ô Allah, je suis satisfait de Othman, alors sois satisfait de lui. Et At-Tabarani a rapporté du fils de Omar qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Othman a revivifié ma communauté et l'a honoré. Othman ahya ummati wa akramaha radiyallahu anhu. Notre maître Othman radiyallahu anhu avait de grandes qualités telles que l'indulgence, la science, la générosité, la pudeur, la pureté et la sèse. Il était parmi les gens qui étaient des plus modestes. Ibn Sa'd a dit, en rapportant de Abdullah al-Rumi, qui dit: كان عثمان يلي وضوء الليل بنفسي فقيل له لو عمرت بعد خدمي لكفوك قال لليل لهم يستريهن فيه. Il dit: Othman apportait de nuit l'eau pour faire le wudu lui-même. Il lui a été dit: si tu l'avais ordonné à certains serviteurs, ils te l'auraient ramené et t'auraient épargné de le faire toi-même. Il répondit: non, la nuit est pour eux, ils se reposent. L'imam Ahmed radiallahu anhu a rapporté qu'après avoir été interrogé au sujet de ceux qui faisaient la sieste dans la mosquée, c'est-à-dire ils dormaient ou ils s'allongeaient simplement dans la mosquée au milieu de la journée, le Hassan rahimallah a dit: il m'est arrivé de voir Othman ibn Affan radiallahu anhu faire la sieste dans la mosquée alors qu'il était à cette époque calife, et les pierres avaient laissé des traces sur ses côtés et on disait: voici l'émir des croyants, voici l'émir des croyants. Il dormait ainsi avec les pauvres, en laissant les lits douillets et confortables. Il est rapporté de Sharhabil ibn Muslim qui a dit: Othman radiallahu anhu donnait aux gens à manger la nourriture qui lui était destinée en tant qu'émir des croyants. Et il rentrait chez lui pour manger du pain et de l'huile. L'imam Ali radiallahu anhu a dit: Othman était de ceux qui, comme Allah subhanahu wa ta'ala الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. C'est-à-dire ceux qui ont cru, qui ont accompli les bonnes œuvres, puis qui ont continué d'être pieux et de croire, et qui demeurèrent encore sur la piété et la bienfaisance, Allah les agrée et il l'agrée. Et cela a été rapporté par al-Asfahani dans Hilyatul Awliya. L'imam Ahmed également a dit, d'après Ruhayma, la grand-mère de Zubayr ibn Abdillah, qu'elle a dit كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجع من أول من أوله. عثمان jeûnait toute l'année et il veillait toutes les nuits sauf une toute première partie de la nuit durant laquelle il dormait un peu. Et Ibn Asakir a rapporté d'Abd al-Rahman ibn Mahdi qui a dit que Othman a deux mérites que Abu Bakr et Omar anhum n'avaient pas. Il patientait jusqu'à être tué injustement et il a rassemblé les gens autour d'un seul mushaf, un seul livre du Coran qui a alors servi de référence. ونكتفي على القدر وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.